Salut Blockbuster, je viens tout juste de terminer le fabuleux épisode sur Lovecraft, mais vous avez oublié de nommer Gutanabe qui a fait des adaptations hallucinantes de L'Appel de Toulouse, La couleur tombée du ciel, Les abîmes du temps et Les montagnes hallucinées, à voir sur Kion, qui est la maison d'édition, et sincèrement, moi c'est ça qui me fait rentrer dans l'univers de Lovecraft. Allez, ciao! Oui, bonjour Blockbuster, je suis pas trop de bruit parce que j'ai peur. Je viens d'écouter le Blockbuster avec Lovecraft. Et franchement, ça m'a foutu super peur, quoi. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Allez, je vous aime. Salut Frédéric et à toute l'équipe de Blockbuster. Je vous appelle par suite à votre podcast sur Lovecraft. Ce que vous disiez avec vos invités, ça me fait penser au crossover que Warren Ellis avait fait du film Ménage entre The Authority et Planetary, où on voyait Edgar Snow aller sur Lovecraft. Et en fait, rapidement dans l'histoire, il y a un monstre interdimensionnel qui débarque et qui a pondu des œufs entre dimensions. Et Lovecraft est persuadé que les œufs en question sont les œufs nègres. Et oui, Lovecraft aurait été persuadé que les Noirs procréent tout simplement en portant des œufs. C'était un petit peu en plus. Allez, pas de bonne émission. Au revoir. To be or not to be, not to be. J'adore Star Wars, mais j'ai horreur d'en parler. À chaque fois qu'il me prend l'idée saugrenue d'évoquer cette saga avec quelqu'un, il me faut jamais très longtemps pour me dire que j'aurais mieux fait de manger du gravier ou de lécher un pneu. Entre les cinéphiles convaincus de l'être parce qu'ils ont vu deux fois Le Parrain et un Kieslowski dans leur vie et qui mettent un point d'honneur à te dire « Tu sais Frédéric, j'ai jamais vu Star Wars !» avec la fierté du parent qui t'annoncerait que son moment était propre à 3 mois, celles et ceux qui les ont vus mais sont restés totalement hermétiques à l'univers. Oui, qui je parle? Toi t'es en larmes pendant le combat entre Obi-Wan et Anakin sur la planète Mustafar dans l'épisode 3, et à côté de toi t'as quelqu'un qui te regarde « Mais t'es complètement con, pourquoi tu pleures ?» On sait déjà que les deux ils sont encore en vie dans l'épisode 4. Ceux pour qui Star Wars, ça n'est que les épisodes 4, 5, 6. De toute façon, la prélogie, c'est n'importe quoi. George Lucas a violé mon enfance. Ceux pour qui Star Wars, ce ne sont que les épisodes 1, 2, 3. De toute façon, la postlogie, c'est n'importe quoi. Rian Johnson a violé mon enfance. Ceux pour qui les films ne représentent qu'un dixième de leur Star Wars. Le personnage le plus nuancé de la saga, pour moi, Frédéric, c'est clairement Quinlan Vos. Même si à choisir, j'aurais pu dire Asajj Ventress, qui dans son arc d'Avant de Rédemption pourrait être l'équivalent d'une Asaka Tano, qui serait tombée du côté obscur. Bon, sans oublier Maharaja, décrit par Timothy Zahn, bien entendu. Bref, dire « j'aime Star Wars aujourd'hui », ça n'a aucun sens, car au fond, de quel Star Wars on parle? Selon moi, aimer Star Wars, c'est un peu comme la foi ou les religions. C'est une affaire personnelle, et des fois, il vaut mieux garder ça pour soi. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. You know what I've come for. I know where you come from. Before you called yourself Kylo Ren. The map to Skywalker. We know you found it. And now you're going to give it to the First Order. The First Order rose from the dark side. You did not. I'll show you the dark side. You may try. But you cannot deny the truth. That is your family. You're so right. En 2012, George Lucas accepte de vendre Lucasfilm, le studio à l'origine de la saga Star Wars, mais aussi d'Indiana Jones, à Disney, l'entreprise qui saura toujours quoi faire de l'argent que vous voulez dépenser pour vos enfants. Quasi immédiatement, Disney annonce la production non seulement d'une nouvelle trilogie, mais aussi de films indépendants, de jeux vidéo, de livres, de comics, de jouets, sans oublier des sorbetières et des carreaux de salle de bain. 9 ans plus tard, après avoir sorti 5 films au cinéma, de nouveaux dessins animés et une nouvelle série, quel est le bilan commercial et surtout artistique de ce rachat? Réussite discutable ou échec industriel, comme les fans les plus virulents le prétendent? Peut-on enfin dire que Star Wars, après une phase de rodage, est finalement sur les rails d'un avenir radieux? Ou alors déplorer que cette saga a laissé son originalité il y a longtemps dans une galaxie très lointaine? Pour tenter de répondre à cette épineuse question, j'ai à mes côtés un parterre de passionnés. Thibaut Claudel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, alias République. Alias République, effectivement. Vous êtes créateur hôte du podcast Outrider, un podcast dédié à l'actualité et aux grands sujets de la saga Star Wars, et vous êtes l'auteur du livre Le Mythe Star Wars 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas, paru chez Third Edition. Toujours tout bon. Constance, bonjour. Bonjour. Constance alias Phobos, on vous appellera Phobos tout au long de l'émission. Vous êtes cosplayeuse, photographe et chroniqueuse à bord du podcast Outrider. C'est bien ça. Avec nous également Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes critique pour le site Gamalive, troll en chef sur Twitter et podcasteur pour Star Wars en direct. Ce podcast a fêté ses 20 ans le 14 janvier 2021. C'est ça. Et avec nous enfin Céline Boutry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique et podcasteuse pour Star Wars en direct. Tout à fait, comme Sylvain, le plus vieux podcast encore en activité au monde. C'est bien, vous ne faites pas votre âge. On les a tous enterrés. Ensemble, on va retracer le parcours de la franchise Star Wars dans le giron Disney. Quelles ont été les réussites, mais aussi les échecs des épisodes 7, 8 et 9. On parlera bien évidemment de l'avalanche des réalisateurs, des scénaristes en coulisses, mais aussi de ce que cela signifie pour des nouveaux personnages tels que Rey, Finn ou Kylo Ren. On parlera du poids des fans ou non dans les décisions concernant l'avenir de la saga. On parlera de Rogue One, Solo et bien évidemment du Mandalorian. Jon Favreau et Dave Filoni sont-ils ceux qui ramèneront l'équilibre dans la force Star Wars ou peut-être l'avait-il déjà ramené bien avant le Mandalorian, mais on n'avait pas bien fait attention. Tout ça, on a une bonne heure pour l'élucider. Blockbuster Disney Star Wars, This is the way. He was training a new generation of Jedi. One boy, an apprentice, turned against him and destroyed it all. Luke felt responsible. He just walked away from everything. Do you know what happened to him? A lot of rumors, stories. People that know him best think he went looking for the first Jedi temple. The Jedi were real. I used to wonder about that myself. Thought it was a bunch of mumbo jumbo. A magical power holding together good and evil, the dark side and the light. The crazy thing is, it's true. C'était un extrait de l'épisode 7, Le Réveil de la Force, et vous avez entendu Harrison Ford dans le rôle de Han Solo, John Boyega dans le rôle de Finn, et Desiree Lay dans le rôle de Rey. Alors, évidemment, on le sait, Star Wars, il y a des gens qui n'entravent absolument rien à cette saga depuis très longtemps. Hein, c'est une constante. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui resteront hermétiques à tout ça. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un rapide tour de table pour savoir depuis quand vous êtes fans de Star Wars, les unes et les autres. Et surtout, avec quel épisode ça a démarré. Phobos ? Alors moi depuis un peu toute petite, simplement parce que j'ai un oncle qui est un très grand fan de la saga, donc dès qu'on a eu l'âge de pouvoir regarder un Star Wars avec mon petit frère, il nous a mis devant la télé et il nous a mis du coup les vieux épisodes, donc 4, 5, 6, que j'ai dû voir du coup un petit peu dans le désordre par des petits bouts par-ci par-là. Et après, je pense que ça a vraiment pris avec forcément la sortie de l'épisode 1, puis 2 la et 3. La menace fantôme. Voilà, où j'étais gamine, donc j'ai vécu le plein pot du merchandising, jusque dans les paquets de céréales, il y avait du Star Wars, donc forcément c'était difficile de passer à côté. Quoi. Sylvain ? Étonnamment, c'est un peu comme Phobos, c'est grâce à Tonton Jeannot, hein, le fameux, ceux qui savent comprendront de qui je parle. Tout petit, via les retransmissions de l'Empire Contre-Attaque. Et puis, je suis vraiment devenu fan, comme Phobos, à la sortie de la prélogie, l'épisode 1, 2, 3, où j'ai intégré, c'est entre l'épisode 2 et l'épisode 3 où j'ai vraiment intégré les différents forums. Et le virus m'a jamais lâché depuis ce moment-là. D'accord. Céline ? Alors moi, c'était lors de l'édition spéciale, en fait. Ma mère m'a dit, puisque ça sort au cinéma, peut-être que tu vas avoir des copines, des copains qui vont aller le voir. Moi, j'ai les cassettes à la maison, parce qu'elle aime bien, ma mère. Pourquoi on les regarderait pas ensemble ? Et puis, je suis tombée dans la marmite, quoi. Et voilà, ça a commencé, puis on n'en est jamais sorti. Exactement. J'ai commencé à lire les livres. Ensuite, il y a eu les nouveaux épisodes, donc ça ne s'est jamais arrêté. Thibaut ? C'est un mélange de toutes ces versions, parce que j'ai commencé via mon papa qui m'avait enregistré l'Empire Contre-Attaque à la télé. J'ai regardé cette VHS, donc c'est le premier Star Wars que j'ai vu, donc c'est pas tellement le bon ordre pour commencer, peut-être pas en tout cas, enfin, c'est un débat à avoir. Puis l'édition spéciale effectivement qui est sortie au cinéma, ce qui m'a permis de découvrir, en étant un enfant des années 90, les trois premiers Star Wars au cinéma. Donc, peut-être que j'ai le droit à une médaille de la part des plus vieux fans, parce que je les ai quand même vus au ciné. Et après, l'enchaînement prélogie, puis même post-logie maintenant en tant que journaliste puis podcaster, donc forcément ça ne m'a pas lâché et ça, j'imagine que ça ne va pas me lâcher de sitôt. Et ce qui est assez intéressant avec le phénomène Star Wars, c'est qu'en fait, il y a toujours eu des débats, et des débats assez vifs sur la qualité artistique des Star Wars. C'est-à-dire que autant le premier qui est sorti en 77 était une nouveauté, voilà, mais déjà à la base, il n'y avait pas grand monde qui misait dessus, Thibaut. George Lucas a eu beaucoup de mal à monter son premier Star Wars. Ouais, ça a pris plusieurs années, et d'ailleurs plusieurs studios. Il a même, pour l'anecdote, présenté ça à Disney pendant un temps. Et puis même pendant le tournage, il y a eu tout un tas de galères. J'imagine qu'on n'a pas forcément le temps de revenir là-dessus, mais au final, le film est sorti, une tempête de sable, des producteurs ou des studios qui s'inquiètent un petit peu de ce qui est fait avec le budget, des fausses déclarations parfois pour récupérer une petite rallonge par-ci par-là, notamment pour la fameuse scène de la cantina. Et au final, c'est sorti, je crois, dans une trentaine de salles aux États-Unis, donc en 77, pour devenir le phénomène qu'on connaît, et avec cette capacité à alimenter les cinémas qui n'étaient pas la même qu'aujourd'hui, où on a les bobines numériques, entre guillemets, qui arrivent par Disney dans toutes les salles du monde. Et donc forcément, ouais, ça a mis un petit peu de temps, même à l'époque, pour devenir le phénomène que c'est aujourd'hui. Et puis peut-être qu'il y avait cet effet nouveauté donc dans les années 70, mais il y avait déjà effectivement des détracteurs qui ne voyaient un peu que... divertissement un peu sans queue ni tête, ou une débauche d'effets spéciaux, ce qui, bon, maintenant, généralement, quand on va voir un Star Wars, on sait que ça va être une débauche d'effets spéciaux, mais voilà. Donc, on a parcouru pas mal de chemin. Mais même auprès de ses pairs, Coppola, John Milius, quand ils ont commencé à voir les pré-versions de son film, on leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut arrêter tout de suite. Et seul Steven Spielberg, en fait, a apporté son soutien à George Lucas. Il y avait vraiment cette idée, initialement, que là, tu cours vers l'accident industriel. Faut dire que les montages qu'il proposait, il n'y avait justement pas les effets spéciaux, il n'y avait pas la musique. Le montage était différent, puisque c'est sa femme de l'époque qui remontera Star Wars et lui offrira d'ailleurs un Oscar pour son montage. Donc c'était une version, on imagine, vachement aride du film qu'on a appris à aimer depuis, quoi. Et là c'est au génie de Spielberg de passer à travers ça et de dire non, je pense qu'il y a vraiment un truc qu'il faut creuser. Mais j'imagine que voilà, dans un monde où Star Wars n'existe pas, si je découvre cette version-là, moi aussi je hurle au nanar, quoi. Phobos, dans la première trilogie, donc les épisodes 4, 5, 6, on voit que George Lucas a travaillé avec beaucoup de monde qui ont enrichi la qualité intrinsèque de ses films, que ça soit sa compagne, que ça soit le directeur des effets spéciaux. Et ensuite arrive la prélogie où là, George Lucas est relativement seul pour raconter la jeunesse de Anakin Skywalker. Et là, de nouveau, énormément de critiques des fans de la première trilogie qui disent « Ah ben non, si c'était pour faire ça, c'est pas possible. » Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais avant que Disney rachète, la prélogie n'a pas fait que des heureux. Oui, c'est clair, elle a eu son lot de détracteurs. D'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi le premier épisode, en fait, c'était pas vraiment celui-là, parce que les gens étaient très très perturbés par ce qu'ils voyaient. C'était des intrigues politiques. On nous parlait de midi-chloriens, de trucs scientifiques derrière la force. Enfin, ça clashait vraiment avec ce qu'on avait vu avant, sachant qu'il y avait une attente qui était tellement élevée, parce que ça faisait littéralement des dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu de Star Wars au cinéma. Effectivement, il y a eu beaucoup de controverses. On pense aussi au personnage de Jar Jar Binks, qui est ce personnage très très rigolo, qui fait des blagues très enfantines, qui a désarçonné beaucoup de fans, en fait, qui s'attendaient pas vraiment à ça, et qui avait déjà beaucoup râlé après l'épisode 6 et ses fameux Ewoks, qui avaient déjà suscité quelques débats sur le côté. Je défendrai les Ewoks jusqu'à ma mort. Mais moi aussi, je trouve ça très marrant, et pour moi, Star Wars, ça reste aussi des films qui sont grand public, qui sont faits pour divertir toute la famille. Donc, au final, ça peut s'entendre, les choix que Lucas a fait. Et derrière, il continue à l'exploiter dans l'épisode 2 et l'épisode 3, notamment aussi toute la vibe politique et ces intrigues politiques qui lui tiennent à cœur, visiblement, mais qui ont désarçonné plus d'un fan à l'époque. Oui, il faut préciser aux auditeurs que la première trilogie, c'est vraiment un affrontement basique de résistants contre les forces du mal incarnées par l'Empire et le célèbre Dark Vador. La prélogie, les épisodes 1, 2, 3, c'est beaucoup plus nuancé, dans le sens où c'est une démocratie qui sombre dans un totalitarisme et dans une dictature, mais de manière légale. C'est-à-dire que c'est elle-même qui amène au pouvoir. Alors évidemment, on convoque Hitler avec l'Allemagne qui précède la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a cette dimension politique, et en plus qui n'est pas forcément très appuyé, c'est-à-dire que George Lucas a une forme de timidité dans son traitement qui fait qu'on le voit en l'analysant, mais ça n'est pas surligné comme pourraient l'être d'autres films faits sur le même sujet. Céline ? Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'étais abonnée au Lucasfilm Magazine, donc il y avait des interviews de George Lucas régulières. Et à la sortie de l'épisode 1, il avait dit « La seule chose importante de l'épisode 1, c'est que Palpatine devient chancelier. Le reste, c'est un bonbon. » Donc en fait, on voit vraiment que finalement, ce qui est prédominant dans le film, c'est... Une seconde, c'est vraiment quelque chose qui passe très vite et que je pense personne n'a vu parce que finalement quand on est arrivé à l'épisode 3 et que Palpatine prend véritablement le pouvoir et devient empereur, les gens ont réalisé « Ah oui, mais c'était lui qu'on voyait dans l'épisode 6, c'était lui l'empereur ». Et donc toute la trilogie a pris sa grandeur. Là, on a vu tout le fil, on a vu que cette toile avait été tissée petit à petit, très discrètement, mais elle était là. Et Sylvain, on sent bien quand même que dans l'envie de raconter des histoires de George Lucas, il y a une forme d'incompréhension permanente entre ce que les fans attendent de Star Wars et ce que George Lucas voulait en faire ou voulait en dire. C'est-à-dire qu'on sent que lui, il a vraiment l'envie de parler de politique. On peut même sentir à certains moments qu'ils n'idéalisent pas les Jedi comme les fans pourraient le faire. Et de l'autre côté, il y a des fans qui eux disent moi j'ai envie de voir des chevaliers Jedi avec des épées laser, c'est des héros parfaits et les méchants c'est les Sith. Il y a cette dualité permanente dans l'œuvre de Lucas. C'est vrai que c'est ça, mais c'est toujours un peu le problème de toute façon avec les films où il y a plein de fans. Il y a ce que veut faire le réalisateur avec ou sans les scénaristes, et les attentes des fans. Les fans avaient leur idée préconçue de Anakin, de comment est arrivé Sidious au pouvoir. Et c'est là où, en fait, ces deux univers qui se rencontrent, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, et forcément, quand les attentes des uns ne correspondent pas à ce qui est présenté par les autres, ça arrive facilement au clash et à l'incompréhension. Alors la Force a influencé pas mal d'artistes en chanson, et il en est un que j'aime tout particulièrement et dont on a parlé il y a peu de temps, et qui est revenu pour une mauvaise raison dans l'actualité, Jamiroquai. Jamiroquai qui a composé cette chanson Use the Force, tirée de l'album Traveling Without Moving, sorti en 1997. ceci est un message pour Obi-Wan Kenobi. On m'a chassé de Mandalore. Mon peuple a été massacré et Almec est redevenu Premier ministre. Je ne peux tout vous expliquer maintenant. Sachez seulement qu'Almec est soutenu par les familles criminelles. Obi-Wan, j'ai besoin de votre aide. On vient d'entendre un extrait de Clone Wars, la guerre des clones, parce que effectivement, pour ceux qui ont découvert Mandalore avec la série Le Mandalorien, dans l'univers Star Wars, Mandalore existe depuis très très longtemps, c'est même une des planètes préférées des fans et une catégorie de guerriers vraiment plébiscité. Et je ne saurais que trop vous conseiller de regarder Clone Wars, parce que justement, Star Wars, c'était aussi avant toute chose, un univers étendu. C'est-à-dire que pour beaucoup, quand on parle de Guerre des Étoiles, Star Wars, les gens se disent « Ah ok, c'est les films », et alors qu'en fait, pour les fans, c'est tellement plus que ça. Thibaut ? Bah oui, bah des générations entières de comics, de romans, puis de jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de plateau. Maintenant, bien sûr, les séries animées qui sont arrivées quand même assez tôt, et dès les années 80 avec des cartoons qui ont pas très bien marché, mais ouais, en fait, même d'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des premiers produits dérivés, c'est les comics Marvel qui sortent même avant le film et qui ont rien à voir avec le Star Wars de 77. Donc il y a toute une culture qui s'est développée et que les gens, comme tu le disais dans ta très juste intro, ont appris à apprécier ou à même aimer plus que les films et que le reste de ce qui était développé sur le grand écran. Phobos, on voit aussi que lorsque Lucas accepte de vendre Lucasfilm à Disney, il y a une forme de lassitude qui s'est créée entre lui et les fans. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup critiqué pour la trilogie et donc il se dit que s'il confie son bébé à Disney, ça permettra à son œuvre d'être pérennisée. Et en même temps, lui, il aura juste un aspect de consultant créatif qui va pouvoir un petit peu diriger, mais sans se prendre les critique du grand public. Et arrive ce moment où Disney annonce que on met fin à l'univers étendu. Comment on explique ça ? Alors, techniquement, c'est pas qu'ils mettent fin, c'est simplement qu'ils disent voilà, tout ce que on a eu aujourd'hui, ça devient Legends. Donc en fait, ils vont même republier en réalité des comics, des romans, des choses sous ce nouveau blason Legends. Et ça s'explique en fait assez simplement dans le sens où il y avait déjà pas mal d'incohérences au sein même de cet univers étendu entre les comics, les romans. Il y avait des incohérences entre ces romans et les films. Donc en fait, ça allait devenir très très difficile pour eux de dire alors attendez, en fait, tel truc c'est canon, c'est vrai, tel truc par contre ça l'est pas, donc ils se sont dit ok, on va se simplifier la vie, en fait on va dire que tout l'univers étendu c'est Legends, en plus de ça, ça nous permet de republier des trucs, donc d'exploiter ce catalogue qui existe déjà et surtout de repartir un petit peu à zéro et sur des bases relativement saines pour l'univers qu'ils ont voulu construire. You can't just go, I won't let you. I'm not who you think I am. Finn, what are you talking about? I'm not resistance. I'm not a hero. I'm a stormtrooper. Like all of them, I was taken from a family I'll never know and raised to do one thing. But my first battle, I made a choice. I wasn't gonna kill for them. So I ran right into you. You looked at me like no one ever had. I was ashamed of what I was. But I'm done with the First Order. I'm never going back. C'était un nouvel extrait du Réveil de la Force et vous venez d'entendre John Boyega, Finn, qui est un Stormtrooper. Voilà, pour la première fois, on entend un Stormtrooper parler par lui-même de son passé, voilà, être indépendant. Et vous avez également entendu Désiré Ridley, qui joue évidemment le rôle de Rey. Thibaut Claudel, cette nouvelle trilogie, est-ce qu'elle est issue de l'esprit et de l'imaginaire de George Lucas ou est-ce que c'est Disney qui est parti dans une direction qui ne leur appartient qu'à eux ? Un peu des deux en fait, puisque Lucas prévoyait déjà d'ici la fin des années 2010, on va dire, il avait commencé à mettre en chantier ce projet de nouvelle trilogie, en tout cas d'épisode 7. Il avait revu le cast original. Il avait commencé à écrire un scénario aux côtés de Michael Arndt, qui est le scénariste de Toy Story 3, notamment, et Little Miss Sunshine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, il y avait quand même cette envie d'écrire un épisode 7, voire même peut-être de le produire, de le réaliser, puis de vendre les suites à un studio pour être sûr qu'il parte dans cette direction-là. Donc, il y avait déjà quand même une crainte de la part de Lucas de voir son œuvre être un peu réinterprétée à une autre sauce. Et c'est un peu ce qui s'est passé au rachat de Disney, c'est-à-dire que Disney a aussi racheté les brouillons de Lucas. Mais ne s'était jamais engagé pour, on va dire, les développer, les amener dans de nouvelles directions. Ils ont dit OK, bon, ces idées sont là, on verra bien ce qu'on en fait. Et au fur et à mesure des CV qui ont défilé sur le bureau de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm à l'époque, qu'il avait lui-même nommé, oui, effectivement. Du coup, on se retrouve avec un J.J. Abrams aux commandes et J.J. Abrams qui, doit gérer deux choses, la création de cet épisode, mais aussi le retard qu'il prend par rapport à, on va dire, à la date qui était annoncée par Disney, qui, en gros, à l'époque, on devine que c'est autour de mai-été 2015, et au final, le film finira par sortir en décembre 2015. Donc, de toute façon, lui et Lawrence Kasdan, qui était le scénariste de L'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi, qui est un peu rappelé à la rescousse aussi par Disney, tombe d'accord sur le fait que ce scénario-là de George Lucas va pas pouvoir être développé dans la direction qui eux les intéresse. Donc tout simplement ils repartent de zéro et ils reviennent avec deux trois idées fortes, dont celle que dont on a entendu un extrait, puisque c'est la désertion de Finn. Et du coup, quand il présente ça à George Lucas, aux côtés de Bob Iger, président de Disney, et Kathleen Kennedy, George Lucas tombe un peu des nues parce que pour lui, ça fait quelques mois déjà qu'il travaille sur sa version. Et en fait, effectivement, c'est sa version puisque l'idée de base reste un peu la même. Il s'agit de trouver Luke qui a été, qui s'est exilé quelque part dans la galaxie. Mais l'enchaînement et les personnages sont totalement différents. Et notamment une importance beaucoup plus grande de Darth Maul. De Darth Maul. Oui, logiquement, dans ce que j'ai lu, alors c'est peut-être juste des hypothèses qui ont été lancées comme ça et qui n'ont pas été vérifiées, mais il y avait une envie d'avoir une Twi'lek, une de ces extraterrestres Sith. Oui, Dark. Et qui dépendent de Darth Maul. Effectivement, ouais. C'est une longue obsession de George Lucas pour ce personnage qui s'appelle Darth Talon, et Darth Maul. Donc déjà à l'époque, il y avait un jeu vidéo Darth Maul qui devait se passer avant l'épisode 1, et George Lucas a dit: moi, j'aimerais bien qu'on mette Darth Talon qui vient des comics. Et ils lui ont dit: non, mais en fait, Darth Talon, c'est 100 ans après le retour du Jedi, donc c'est pas la même époque, George. Il était là: oui, mais moi, j'aime bien ce personnage, j'aimerais bien le faire. Et donc, du coup, elle est même arrivée effectivement dans des concept art où elle devait séduire le personnage principal qui était plus ou moins en gros une version plus jeune de Ben Solo, Kylo Ren à l'époque. Et donc il y a des petites idées comme ça. Il y a aussi, on en parlera peut-être, mais la présence des Wills et de leur monde microbiotique. Il y a énormément de choses comme ça qui ont filtré et qui sont même d'ailleurs maintenant compilées dans le super bouquin Star Wars Archives. En fait, on sait pas vraiment à quel moment ça correspond. C'est-à-dire que pour moi, la version de Lucas, quand il vend à Disney, elle est quand même encore assez proche de ce qu'on a, c'est-à-dire avec cette espèce de voyage vers Luke Skywalker. Et toutes ces idées-là sont peut-être finalement, comme Céline le rappelait, des petits morceaux de film. C'est-à-dire peut-être qu'on aurait eu une minute de Wills, une minute de Dark Talon par-ci par-là, qui auraient été juste des idées très visuelles pour Lucas, je pense, mais qu'il n'aurait pas forcément développé. Après, c'est vrai que de nos jours, y a toujours cette envie de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait, jusqu'où il aurait pu aller. Et forcément, ce qui n'a pas été fait a toujours tendance à avoir l'air mieux que ce qui a été fait. C'est clair. Céline, justement, comment vous avez reçu cet épisode 7 de J.J. Abrams ? C'est le grand retour de Star Wars sur grand écran, mais beaucoup ont accusé le film de n'être qu'un remake de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Comment vous l'avez reçu ? Alors, c'est vrai que tout ce que tu viens de dire est vrai. Il n'y avait pas eu de film depuis 2005, donc une grande attente de voir finalement Star Wars à nouveau au cinéma, sur un des grands médias qui tire aussi tous les autres médias, parce que quand vous avez un film, derrière vous avez aussi des nouveaux livres, des nouveaux jeux vidéo, tout le reste vient avec. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 7, parce que je trouve que le traitement des personnages est vraiment magnifique. Je trouve que on regarde l'épisode 7, on a envie de se faire un cosplay de Rey. On a envie de devenir le meilleur ami de Poe et Finn. Et c'est vraiment l'émotion que je cherche dans Star Wars. C'est l'émotion qu'on a, je trouve, quand on regarde les 4, 5, 6. À la fin, le trio, on a envie de s'en faire ses amis, presque. Donc, vraiment, l'épisode 7, oui, c'est vrai que le scénario ressemble beaucoup à l'épisode 4, mais c'est une critique qu'on peut faire aussi sur l'épisode 6. Donc, finalement, ça reste du classique Star Wars. Il y a quand même un bel apport aussi, c'est le personnage de Kylo Ren. Finalement, on avait eu des personnages du côté lumineux tentés par le côté obscur, mais on n'avait jamais eu des personnages du côté obscur tentés par le côté lumineux. Moi, ma petite déception, c'est peut-être le fait qu'on avait un Snoke qui ressemblait à une pâle copie de Palpatine. Finalement, on avait à nouveau cette structure avec le personnage familial Skywalker qui était un acolyte d'un plus gros chef qui était donc Palpatine vs Snoke. Et donc finalement dans l'épisode 8, moi j'ai trouvé ça pas mal que, Kylo Ren prenne enfin son envol, et fasse un destin différent de Dark Vador. Sylvain, la réception de cet épisode 7, parce qu'en marge du scénario dont on a parlé, du reste c'est esthétiquement magnifique. Ah oui, c'est très beau, comme quasiment tout le temps avec Star Wars. Ils mettent la barre très très haute au niveau des effets spéciaux, des effets visuels, de la musique et autres. C'est vrai que moi, d'un coup, j'étais ultra content comme beaucoup. Il y a le nouveau Star Wars, c'est génial, des nouveaux persos, une nouvelle trilogie. Et puis c'est vrai, une fois que t'as l'idée Attends, il a quand même fait marcher la machine à photocopier à fond. Et c'est vrai que c'est... Je l'aime beaucoup. J'aime moins J.J. Abrams et ça m'embête un peu qu'on retrouve quand même énormément de la planète enneigée, la planète de sable. J'aurais aimé encore même plus de nouveautés. Le premier ordre qui est un copier-coller voilà, avec l'Empire. C'est l'Empire avec un autre nom et une armure stylisée. Donc j'aurais aimé un peu plus de nouveautés. Mais si tu regardes, on parlait de l'univers, l'ancien univers canon qui est devenu Legend. Si tu regardes ce qui a été fait post le retour du Jedi, même 200 ans après, les Stormtroopers, ça s'appelle toujours du Stormtrooper, c'est toujours dans des armures qui ressemblent, qui sont blanches, il y a toujours des TIE Fighters. Donc finalement, ok, il a fait marcher la machine à photocopier, mais c'est toujours du Star Wars. On retrouve les grandes lignes. Tout le monde le faisait déjà avant. Voilà, tout le monde le faisait déjà avant. Allez, je chauffe Marcel, vas-y, on y va et on verra bien la suite. Master Skywalker, we need you to bring the Jedi back because Kylo Ren is strong with the dark side of the Force. Without the Jedi, we won't stand a chance against him. What do you know about the Force? It's a power that Jedi have that lets them control people and make things float. Impressive. Every word in that sentence was wrong. Lesson one. Sit here, legs crossed. The Force is not a power you have. It's not about lifting rocks. It's the energy between all things, a tension, a balance that binds the universe together. Okay. But what is it? Close your eyes. Breathe. Now, reach out. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the Force. Really? Wow, it must be really strong of you. I've never felt any... Ow! You meant reach out, like... I'll try again. C'était un extrait de l'épisode 8, Le Dernier Jedi, et vous venez d'entendre Mark Hamill, l'interprète du fameux Luke Skywalker. Alors, on l'a dit, il y avait une volonté chez Disney d'effacer la prélogie, notamment, de ne pas se référer à tout ce qui avait été fait précédemment par George Lucas, parce qu'ils avaient bien senti que ça avait créé une certaine forme de polémique, et de retourner vers l'esprit de la trilogie initiale, ce qui explique qu'il y avait beaucoup de similitudes. Et il y a aussi ce système d'écriture qui est mis en place, que Thibaut Claudel, vous qualifiez vous-même, de cadavre exquis. Oui. C'est-à-dire où chaque scénariste vient enrichir l'histoire qui l'a précédée. Oui, c'est un terme qui est emprunté au surréaliste, où il continuait comme ça les dessins d'un collègue, ou même le texte d'un collègue, parfois sans même savoir ce qu'ils avaient dessiné ou écrit. Et du coup, c'est à peu près ce qui se passe dans le cas de Disney, à l'exception prête que du coup, ils savent quand même ce qui a été écrit avant. En tout cas, Rian Johnson, quand lui écrit Star Wars 8, il a déjà lu Star Wars 7, même si le film n'est pas encore sorti. Il n'y a aucun retour des fans pour l'instant. Et c'est donc, vraiment voilà. Juste tout ça en studio. studio. Ouais, et la temporalité est super importante parce que quand on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, on se rend compte qu'en fait, tout ce dont est accusé ce film, en particulier Ryan Johnson ou Kathleen Kennedy, peu importe qui est son bouc émissaire, on se rend compte en fait que ça ne tient pas en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est fait par Ryan Johnson, puis même J.J. Abrams, du coup, sur Star Wars 9, parfois, c'est pas en réaction avec du coup les attentes des fans ou leur retour, puisque le film n'est pas sorti, puisque le film a été corrigé par rapport à d'autres choses, à un des cahiers des recherches beaucoup plus pernicieux en fait, et beaucoup plus difficile à saisir de nos jours, où il y a très peu de littérature en fait sur le sujet, sur comment ces films se sont faits. Donc forcément, voilà, on invente, on comble les trous. C'est aussi un peu nos passions en tant que fans, je pense, autour de cette table. Mais du coup, ça crée ces petites erreurs. Et on finit par plus parler de The Last Jedi, les derniers Jedi, pour, on va dire, le prétendu pied de nez au film précédent, que pour tout ce qu'il essaye de faire de nouveau, justement. Et l'extrait qu'on vient d'entendre est un super exemple de cette nouveauté-là, quoi. Phobos, l'épisode 8, le dernier Jedi, en fait, c'est Rian Johnson qui porte un regard... à la fois sur la saga Star Wars, mais aussi en filigrane sur tout le fandom, c'est-à-dire toute la communauté de gens qui idolâtrent Star Wars depuis des années. Le fait que Kylo Ren, on l'entendra un petit peu plus tard, soit humilié par Snoke comme un garçon qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas avec son masque noir, qui essaie d'être Dark Vador, alors qu'en fait Dark Vador est déjà disparu depuis très longtemps. Dans le film de Rian Johnson, cette envie de dire si on passait à autre chose aussi. Oui, tout à fait. Ben, c'est la scène d'ouverture du film où c'est Luke à qui on rend son sabre, et du coup, c'est un peu les espoirs des fans qui disent « Ok, super, on va retrouver notre héros de notre enfance ». Et en fait, il n'en veut pas. Il le jette et il le dit, il a envie de passer à autre chose. Les Jedi n'avaient pas forcément raison. C'est un peu une espèce de crise existentielle que Rian Johnson met en scène. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce qu'en tant que fan, il nous force à nous questionner en fait sur ce qu'on aime, sur oui, ok, il y a toutes ces nostalgies pour Star Wars, mais est-ce qu'on peut pas aller explorer autre chose? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin? C'est bien sympa de s'inspirer du passé, et je pense qu'en l'occurrence l'épisode 7 n'avait pas le choix de le faire, mais là on a envie d'explorer des choses nouvelles, et c'est ce que l'épisode se propose, d'explorer un peu le côté un peu mystique, un peu inquiétant de la Force avec les visions de Rey, de dire Kylo Ren, comment est-ce qu'il se construit sa propre identité, est-ce qu'il va connaître une rédemption ou pas, il y a aussi tout ce doute là. Et du coup, je trouve que c'est un épisode qui est extrêmement intéressant de ce côté-là, qui est très très riche, et qui est très très beau aussi visuellement, qui est assez incroyable. C'est incroyable, des plans. Et d'ailleurs, il y a même dans son traitement de la résistance, avec le personnage de Poe Dameron, qui est vraiment le héros presque classique, qui est prêt à tout faire pour s'opposer au premier ordre, et qui au final met en danger tout ce qu'est la résistance, parce que il veut trop en faire. Et en fait, dans le film, on sent assez rapidement que ce que Rian Johnson nous dit, c'est que l'héroïsme, c'est pas forcément un grand H, c'est aussi des gens qui font ce qu'ils doivent faire, pas pour être bien vus ou pour qu'on chante leur gloire sur le champ de bataille, mais juste de manière pragmatique. Donc il y a l'amiral Holdo qui, elle, est joué par Laura Dern, qui en fait exécute sans que ça soit comme ça, avec des trompettes qui chantent le cœur de la résistance. Il y a cette idée aussi de démystifier le statut du héros, et c'est ce qu'on ressent aussi avec les détails, le fait que par exemple Rey, qui s'imagine avoir être issu d'une lignée ou d'être l'enfant de gens importants, on lui dit non, tes parents c'est pas forcément des gens importants, mais c'est pas grave, c'est ce que tu fais qui compte. Il y avait une envie de démocratiser en fait la Force. Oui, quelque part oui, et c'est pour ça que j'ai été assez déçue par la trahison de l'épisode 9 sur qui est réellement Rey, parce que en fait c'est un message qui est hyper porteur d'espoir, et Star Wars c'est à propos d'espoir, sur le fait que tu peux écrire ton propre destin, c'est pas grave si tu descends pas d'une lignée royale de Jedi super fort, etc. Tu peux être ton propre héros, et c'est d'ailleurs aussi le film se finit là-dessus, c'est le plan sur ce petit garçon qui est esclave sur une planète et qui a la Force et qui regarde vers les étoiles et qui sait que il va pouvoir jouer un rôle, il va pouvoir combattre pour sa liberté, pour la liberté des autres. Et c'est un message qui est vraiment qui est sublime, quoi, et qui m'a fait aimer encore plus Star Wars. Sylvain, la réception de cet épisode 8 en tant que fan, un chouïa troll, j'aimerais savoir ce que vous en avez ressenti. Ah bah moi, c'est mon épisode préféré. Mais justement, parce que le côté troll du film, envers les Jedi, envers, comme tu disais, l'héroïsme, moi j'adore ça. C'est ce que je veux dans un film. Je suis d'accord. Non, je le dis parce que je vais recevoir des mails en disant et vous. Et oui, moi, l'épisode 8 est mon épisode préféré. Moi, je m'en cache jamais. C'est vraiment. C'est The Last Jedi, c'est mon épisode préféré. Parce qu'il met un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il. Il m'oblige à remettre en question l'héroïsme, ce qu'on disait aussi sur les Jedi, même sur le mal. Finalement, le Kylo Ren, est-ce qu'il est pas... On nous le présente comme le nouveau mal absolu, avec un grand M ou un petit M, t'en fais ce que tu veux, mais qui, en fait, se fait bolosser par tout le monde, en fait. Et c'est vraiment... C'est mon épisode préféré, je le défendrai corps et âme, mais c'est vrai qu'il a été mal reçu par la fandom menace. Et encore aujourd'hui, hein. Oui, encore aujourd'hui, parce que on a cassé son jouet, mais Rian Johnson nous explique à chaque fois que, bah oui, le jouet, il est cassé. Bah, tu le reconstruis. Et tu pars là-dessus. Et comme disait Phobos, le fait que Rey ne soit personne, moi, c'est ça qui m'excite, que j'adore. Et en plus, le fait qu'elle soit personne, ça suit la logique du code Jedi. Donc, walou, sauf Marcel. Céline Boudry. Moi, je suis assez partagée sur cet épisode. À la fois, je trouve que, en effet, il est magnifique. Les thèmes sont mieux traités, plus profonds. Mais à la fois, je trouve qu'il y a un petit manque d'âme sur les personnages. Je trouve qu'on les survole un petit peu, et du coup, il y a moins cet attachement qu'on peut avoir avec le 7. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre les critiques qu'on peut faire à l'épisode 8. Par exemple, Luke est-il ressemblant à Luke ? Finalement, il fait le même choix que Yoda de s'exiler. Moi, je trouve pas ça super étonnant. Ce que je trouve étonnant, c'est que ce soit Yoda qui lui fasse la leçon, en fait. Je vois pas du tout les mêmes choses que les critiques habituelles. Je trouve qu'en effet, la démocratisation de la force, c'est quelque chose de tellement beau et tellement un bel apport. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, dans le 9, on a Finn qui développe la force, mais c'est jamais dit. On le sait parce qu'on a lu une interview de J.J. Abrams qui dit en fait oui, ce qu'il voulait dire à Rey, c'était ça. Sauf qu'en fait, les commentaires du réalisateur, dans 20 ans, ils vont être oubliés, alors que le film, il va être encore regardé, et c'est dommage. Alors, on arrive à l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, et on va être franc, ça a été une descente aux enfers pour beaucoup de fans, même si ce film a quand même aussi des aficionados, hein, j'en connais. Mais pour beaucoup, l'épisode 9, ben, ils aiment pas. Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. De retour aux commandes, J.J. Abrams fait table rase de l'excès d'audace des derniers Jedi. Mais la force de la saga, elle, sort affaiblie de ses atermoiements. Le point. Mad Movies. Un film impressionnant mais malade. Fragile mais plein de bonne volonté. Télé 7 jours. Faute de nous faire rêver, J.J. Abrams boucle la boucle, mais ses adieux nous laissent sans nostalgie. Reboot inavoué et cynique d'une trilogie désormais fondamentalement incohérente, l'ascension de Skywalker n'a pour lui que l'énergie déployée par J.J. Abrams et la fantastique direction artistique dont Lucasfilm a le secret. Tant cet épisode, d'une platitude extrême, préfère se complaire en facilités et reprises confortables plutôt que de raconter quelque chose. Écran large. Libération. Presque malfaisant dans sa volonté de faire revenir tout le monde, vieilles carnes et morts compris, et de nous ramener sur les mêmes lieux, en ruine, de ces films du bon vieux temps qu'il est supposé conclure et ramasser dans un même mouvement, l'ascension de Skywalker conclut moins la saga qu'il nous enjoint à retourner illico à son canon, dont il sait, il nous le raconterait presque, qu'il ne fera jamais partie, faute de la nécessaire étincelle d'une idée neuve. Un mauvais moment à penser. Thibaut Claudel, L'épisode 9, alors je sais bien que J.J. Abrams a commencé à moment à passer. Il a commencé à travailler sur ce film alors que on avait Lucasfilm et Kathleen Kennedy ne disposaient pas encore des réactions des fans. Mais il est difficile quand même de ne pas voir dans l'épisode 9 une sorte de relecture totale de tout ce qui a été fait dans l'épisode 8 en disant oh « Non, ça ne se fait pas ». Oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est là où est le problème. Et quelque part, l'exploit de l'ascension de Skywalker, c'est d'avoir rassemblé tous les mêmes fans sous la même bannière de la déception. Parce que je pense que je connais moi, personnellement, très peu de gens qui aiment sincèrement ce film. Parce que je pense qu'il a déçu les gens qui attendaient beaucoup du retour de J.J. Abrams et donc d'une continuité avec Star Wars 7. Et il a aussi déçu les gens qui, étaient, comme Sylvain, excités, intrigués par la fin de l'épisode 8. Et donc on se retrouve avec quelque chose de complètement bâtard, pour utiliser un terme un petit peu vulgaire, mais pour le coup, c'est vrai que ce film est piégé dans plein de problèmes, et déjà, dès sa production, en fait, parce qu'à l'origine, devait être réalisé par Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World, qui n'a pas réussi à rendre, une copie assez satisfaisante à Disney et à Kathleen Kennedy. Et c'était une copie très politique, d'ailleurs. Très politique, beaucoup plus mythologique aussi, avec des concepts de ce qu'on en sait. Il y a des scénarios, des concepts qui traînent sur le web, mais qui sont quand même beaucoup plus audacieux. Et donc s'inscrivent quelque part plus dans la dynamique de The Last Jedi, j'ai envie de dire. Après, encore une fois, vu que c'est pas sorti, ça a tendance à plus briller. Mais ce que fait J.J. Abrams, forcément, en récupérant la balle un petit peu au vol, c'est ce qu'il a déjà fait sur The Force Awakens, c'est-à-dire il faut aller plus vite, il faut trouver une solution rapide. Cette solution, c'est le retour de Palpatine. Les morts parlent. Exactement. Dès la première scène, dès même du coup le générique. Je sais que j'étais au cinéma, dès le bandeau, j'ai fait « What ?» Mais quelque part, il y a un truc super audacieux là-dedans et sur lequel il aurait pu rebondir à vraiment développer quelque chose. Le problème, c'est que J.J. Abrams, c'est sa tendance à vouloir créer du mystère partout, fait que quand il doit résoudre ce mystère, il est un peu bloqué. Et en fait, là, en plus, il se retrouve avec les mystères qu'il a lui-même établis et ceux que Rian Johnson a un petit peu fait voler en éclats, notamment les origines de Snoke. Et donc, au final, la solution, le pansement pour tout ça, c'est un seul pansement, c'est Palpatine. Donc, Palpatine devient le grand-père de Rey, devient également aussi le vilain de l'épisode, devient la grande menace qui va conclure la saga, et par ailleurs, l'antagoniste des trois trilogies, ce qui permet au film d'avoir ce fameux bandeau, la fin de la saga Skywalker, ce que je trouve complètement artificiel, parce que, au final, j'ai jamais ressenti dans ce 9e épisode la fin d'une saga, ni même la fin d'une trilogie, en fait. Mais d'autant que on n'en a pas encore parlé, mais ça va venir qu'en parallèle, il y a Clone Wars s'est développé, il y a eu Star Wars Rebels également, qui a créé aussi, qui a continué d'explorer l'univers Star Wars et les différentes ramifications. Arrive le Mandalorian. Et dans le Mandalorian, et particulièrement dans la deuxième saison, on a même carrément un événement qui efface cette idée de la fin de la saga Skywalker. Bah, en fait, véritablement, Lucasfilm se dit, et Star Wars chez Disney dit, non, en fait, on va continuer un petit peu les Skywalker, parce que c'était bien, en fait. C'est pas mal, c'est une valeur sûre, on va revenir dessus. Il y a quand même quelque chose d'assez problématique dans ce que le film dit et ce que l'entreprise qui est censée le porter dit, même pas 2 ans après. Ouais, mais ça a été le cas d'ailleurs sur toute cette ère Disney sur les premières années. Il y a beaucoup de films qui m'ont marqué, beaucoup de produits dérivés que j'ai adorés, mais on sent souvent des déclarations. Voilà, il y a l'année dernière, ou en tout cas en 2018, entre 2018 et début 2020, on va dire, tout ce que disait Lucasfilm, c'est on va s'éloigner des Skywalker, on va s'éloigner des personnages qu'ils appellent Legacy en anglais, donc tout ce qui vient de la trilogie original, ça on va oublier. Et donc en fin d'année 2020, on s'est récupéré du coup des Skywalker, on s'est récupéré des spin-offs sur par exemple des Lando, des personnages comme ça. Donc en fait, on a fait machine arrière. On nous avait aussi dit qu'on allait ralentir les films, mais on a augmenté les séries. Donc au final, il y a une sorte d'hypocrisie permanente là-dessus. Et encore une fois, ça veut pas dire que les produits ou les films ne peuvent pas être bons, mais c'est douloureux à suivre en fait. C'est ce fameux moment difficile à passer pour moi, c'est souvent ça. C'est me dire, donc ils essayent de dire c'est ça. Mais qu'est-ce que le film va vraiment être, en fait? Parce qu'il y a énormément d'attentes et de problèmes de production sur ces 5 années de Disney qui ont fait que souvent, entre ce qui était dit et ce qui était fait, il y avait un écart terrible. Et je pense que l'ascension de Skywalker, c'est le meilleur exemple. Je pense que vraiment, même sincèrement, en étant hyper honnête, je pense pas qu'on puisse se dire « Ouais, c'est une fin super cool pour une trilogie, pour une saga aussi, qui a plus de 40 ans. » C'est dommage. Phobos, comment vous avez reçu cet épisode 9 censé clôturer la saga Skywalker? Alors j'ai été assez déçue, surtout que j'ai eu la chance de le voir en avant-première au Grand Rex avec tous les fans et tout. J'étais surexcitée, ça faisait des semaines que j'attendais ça. Et là, ça a été un peu la douche froide. En fait, dès le début du film, j'ai compris qu'il y avait un truc qui marchait pas, quoi. Je retrouvais pas le Star Wars que j'avais connu. Donc ouais, j'ai été assez déçue, effectivement, par les changements, comme je le disais, le fait de revenir sur les origines de Rey, de dire ben non, en fait, c'est la petite fille de Palpatine, c'est pour ça qu'elle est très très forte. C'est aussi un film qui, on a l'impression, répond à des critiques que je juge pas hyper pertinentes sur pourquoi tel personnage féminin est super fort. Il y a aussi tout le personnage de Kelly Marie Tran qui a été mis de côté, donc c'est une actrice asiatique. Oui, Rose, qui incarne Rose Tycho, qui a été vachement mis de côté dans l'épisode 9, qui a trois lignes de dialogue et demi, alors que c'était un personnage assez important dans l'épisode 8. Donc il y a eu des déceptions vraiment aussi bien dans le film que sur le discours qu'on peut avoir autour du film et des questions de représentation des personnages qui sont des questions que je trouve très importantes. La mort de Carrie Fisher aussi qui a rendu très délicat l'utilisation de son image dans le film également. Tout à fait, parce que du coup donc, l'actrice est décédée avant le tournage, donc, mais Disney avait quand même prévu que ce soit un film qui soit très centré sur le personnage de General Organa, donc ils étaient un peu bloqués, donc elle est dans le film, mais ce sont des images de Rush qui ont déjà été tournées précédemment, mélangées à des images de synthèse. Donc le résultat est aussi un petit peu étrange. Enfin, on est dans cette vallée de l'étrange un peu où on reconnaît l'actrice, mais pas tout à fait. Donc effectivement, ça fait que c'est un film qui est un peu... C'est un espèce de gloubi-boulga presque. Il y a le marketing inclusif aussi de Disney avec le premier couple LGBT dans un Star Wars. Et en fait, c'est un plan d'une seconde facilement coupable pour le marché chinois ou partout où ça pourrait poser problème. Enfin, il y a vraiment y a eu des gros problèmes de post-production. Oui, c'est clair. Bah, notamment sur ce sujet, enfin, c'était des attentes des fans. J.J. Abrams avait dit en interview, oui, on veut avoir de la représentation dans les films. Vous inquiétez pas, il y aura des personnages LGBT, etc. Mm-hmm. Du coup, dans le fandom, tout le monde s'attendait à ce que ça soit éventuellement Poe Dameron avec Finn, qui étaient des personnages qui avaient un peu une alchimie, un peu presque romantique en fait dans l'épisode 7. Et non, on a été très déçus. C'est un bisou en arrière-plan entre deux personnages dont on connaît à peine le nom, qui dure une seconde. Et c'est vrai que sur ce coup-là, Disney a vraiment déçu un petit peu, ben, vraiment sur toute la ligne, quoi. You have too much of your father's heart in you, young son. I killed Ransom. When the moment came, I didn't hesitate. And look at you. The deed split your spirit to the bone. You were unbalanced, bested by a girl who had never held a lightsaber. You failed! Skywalker lives. The seed of the Jedi Order lives. As long as it does, hope lives in the galaxy. I thought you would be the one to snuff it out. Alas, you're no Vader. You're just a child. In a mask. Tu n'es pas Vador, tu es juste un enfant avec un masque. Donc c'était un nouvel extrait de l'épisode 8. Alors on est en train de parler du 9, vous allez me dire, mais ils zozotent. Mais non, en fait, si j'ai voulu faire entendre cet extrait, c'est pour se rendre compte aussi que déjà Snoke, c'est Andy Serkis. Voilà, qui est Andy Serkis, spécialisé dans la reproduction de mouvements comme ça pour des personnages en images de synthèse comme Gollum, King Kong César dans la planète des singes. Et est-ce que finalement le gros problème de l'épisode 9 dans ce retour de Palpatine, c'est de faire revenir un personnage qui, mine de rien, vraiment juste sur le côté appréciation du jeu est moins bon que Snoke. Parce que Ian McDermid, bon bah voilà, c'est l'empereur, mais c'est l'empereur, c'est un méchant tel qu'on l'imaginait il y a des années. Quoi. Ouais. Et même dans l'épisode 3, c'était quand même pas le summum du jeu. Là, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi qui pose problème? C'est que d'un point de vue filmique, cinématographique, on est face à une performance qui est pas top. Bah, c'est sûr, j'y avais pas pensé avant que tu le dises, mais c'est vrai qu'en remettant les images dans ma tête, c'est vrai qu'en plus, il a pas grand chose à jouer. Il est accroché dans le dos dans une chaise, il bouge un peu les mains, il fait la grosse voix de méchant, et pas grand-chose. Et quand t'entends la prestation là, de Nandi, c'est vrai que c'est autre chose. Donc il y a aussi ça, on nous ramène Palpatine en tant que grand méchant. Ouais, sauf qu'il a quand même l'air d'être dans un état où tu lui mets une claque et l'histoire elle est finie quoi. C'est, tu le décroches de sa chaise et bah vas-y papy. Avec un empire Sith qui était là comme ça. Bah, c'est des gars dans l'ombre. Caché dans l'ombre depuis des années à construire des vaisseaux. C'est ça, parce que si dans l'univers canon ou Legend maintenant, l'empire Sith, on sait, il y a les planètes Corriban, Dromon Kaas, il y a plein de choses. Et là, il nous faut une planète désertique dans le noir où il y a des gros orages avec des grosses statues. Avec des éclairs. C'est ça. Ok, il fait moche. Il y a des temples qui volent à peu près 1,50 m au-dessus du sol. Et rien d'autre. Niveau nouveau monde, niveau on s'en prend plein les yeux, à part les épileptiques. Céline ? D'ailleurs, je voulais réagir à ce que tu disais sur les épileptiques, parce que l'épisode 9 est interdit aux épileptiques, et je trouve que c'est vraiment très dur. Ben, j'imagine, moi, un fan qui ne peut pas voir la conclusion de sa saga parce qu'il est épileptique. Je me mets à sa place, je trouve que c'est vraiment très dur. Ah, ben, je pense qu'après l'avoir vu, je me dis, j'aurais peut-être bien aimé... T'en passé. Non, c'est vrai que le retour de l'empereur, d'abord, ça montre un manque d'imagination. Hein. Je ne sais pas quoi faire, donc je vais reprendre ce qui a déjà été fait. Ça annule le sacrifice de Dark Vador dans l'épisode 6, donc c'est quand même un petit peu dommage. Hein. La planète Exegol, en effet, elle est d'une pauvreté artistique sans fin. Et puis finalement, on a du coup ce côté tous les sites du monde, de l'histoire sont en moi, et puis tous les Jedi sont en moi, et finalement tout l'aspect où en fait chez les Jedi il y a aussi des défauts, il y a aussi des imperfections, il y a aussi peut-être un dogme qui n'est pas parfait et qu'on avait remis en lumière ça dans l'épisode 8 avec le fait que Luke ne devait pas finalement s'accrocher au dogme, au livre Jedi et repartir donner de l'espoir à la résistance. Et tout ça c'est annulé. Satine est en désaccord avec les Death Watch depuis des années. Et selon un rapport de la Padawan Tano, ils ne sont plus liés aux séparatistes. S'il y a eu un coup d'état sur Mandalore, ça ne peut être qu'un acte indépendant, uniquement suscité par les Death Watch. S'il n'y a aucune implication des séparatistes, c'est une affaire qui ne concerne que les Mandaloriens. Nous ne lui serons sûrement d'aucune aide. Il est hors de question que nous remettions Mandalore entre les mains des familles criminelles et que nous laissions Satine devenir une martyre. Je crains que sa volonté de préserver la neutralité de Mandalore ne rende la situation difficile. Comprendre ce que tu ressens, je peux, Obi-Wan. Mais pour prendre des mesures, le soutien du Sénat de la République, nous aurons besoin. Vous savez quelle sera la décision du Sénat. Il n'enverra jamais aucune aide à un système neutre. Pour l'instant, rien de plus, nous ne pouvons faire. Un extrait de Clone Wars, la série animée que vous pouvez voir sur Disney+, et justement dans lequel, Céline, on voit bien que les Jedi sont une sorte d'organisation un petit peu ankylosée par une inertie. D'ailleurs, on l'a vu dans les épisodes 1, 2, 3, ils se font manipuler tout du long par le chancelier Palpatine. Et en fait... Cette dimension de la faillibilité des Jedi a été beaucoup plus montrée par la série Clone Wars et ensuite Star Wars Rebels, avec des Jedi iconoclastes qui eux-mêmes, notamment le personnage de Kanan, qui était un Padawan au moment de la purge, c'est-à-dire le moment où l'Empereur a fait son fameux ordre 66 pour exécuter tous les Jedi, on se rend compte que finalement cette... ce dont on a accusé Rian Johnson dans l'épisode 8 avait été fait bien avant dans un univers qui lui est reconnu et plébiscité par les fans, qui s'appelle Clone Wars, Rebels, mais ce sont des dessins animés. Et là j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus, sur qu'est-ce que représente Rebels et Clone Wars désormais dans la mythologie Star Wars, parce que j'ai l'impression que c'est devenu c'est devenu Star Wars. Je pense que c'est devenu Star Wars, et je pense que c'est amené à le devenir encore plus parce que les connexions qui ont été faites entre la série, le succès phare qui est The Mandalorian, du coup en prise de vue réelle, amène les gens à regarder de nouveau ces séries-là qui, pendant un temps, étaient un peu réservées aux initiés. C'est-à-dire que ça avait toujours été vendu, notamment dans les premières saisons, pour les enfants. Et en fait, c'était sur la durée qu'elles étaient regardées par des adultes, y compris aussi parce que les enfants grandissent et du coup continuent de suivre ces personnages-là. Donc Clone Wars, quand c'est arrivé en 2008, c'était du coup le successeur de La Revanche des Sith. Star Wars n'existait plus. Les gens veulent regarder ça. Au bout de deux épisodes, ils décrochent parce qu'ils disent non, en fait, c'est beaucoup trop enfantin pour moi. Et au fur et à mesure des saisons, se développe. Il y en a qui trouvent ça moche. Oui, il y en a qui trouvent ça moche. Bon, ça, à la rigueur, on peut l'entendre parce que surtout les premières saisons ont vraiment, vraiment mal vieilli. Mais Dave Filoni, donc avec ces deux séries, que ce soit Rebels ou Clone Wars, il veut vraiment développer effectivement cette critique en fait un peu permanente envers l'ordre Jedi, la corruption de la République. Il va aussi en fait souvent s'amuser. Donner un visage aux clones. Exactement, donner un visage aux clones, ce qui est limite l'un des intérêts principaux de la série. Mais je pensais à un truc un peu plus sylvain dans l'esprit, plus trollesque. C'est que généralement, toutes les petites phrases et toutes les choses qu'on n'a pas compris dans la trilogie, que ce soit la prélogie ou la trilogie originale, Dave Filoni va tenter de les expliquer, nous apporter du coup un petit peu de nuance là-dessus. Alors des fois, on a un petit peu des surprises, comme quand on découvre par exemple que les séparatistes en fait sont pas juste des anarchistes qui ont cédé aux sirènes de la République et en fait ils ont un parlement et ils débattent entre eux. Alors bien sûr ils sont manipulés par les forces du mal, mais il y a aussi des vrais gens en fait, et il n'y a pas que des droïdes, et on peut pas juste les massacrer comme ça au hasard. Oui, il y a un système bancaire aussi qui fait que justement qui pousse certains systèmes à devenir séparatistes. Exactement. Parce que les taxes sont trop élevées. L'effort qui est développé par tous les scénaristes de la série et donc dirigé par Filoni, parce que c'est généralement à lui qu'on a pu tout ce succès-là, pardon, c'est qu'on a vraiment une saga qui d'un coup devient hyper nuancée sur à peu près tous ces sujets, que ce soit la politique, le côté un peu mythique ou mystique plutôt avec la Force et les Jedi. Donc c'est vraiment deux séries que moi j'encourage les gens à découvrir, et particulièrement Rebels, parce qu'il a ma préférence, parce que les personnages sont un peu plus concentrés, et il y a des concepts qui sont tout simplement dingues, et effectivement aussi des personnages qui, je pense, devrait limite être des fan favorites comme le sont devenus d'autres au fur et à mesure des films. Après on voit que ça change, parce que par exemple Ahsoka Tano, voilà, il y a quelques années j'ai l'impression que c'était réservé à une élite entre guillemets, et depuis la fin de l'année dernière, vous savez pourquoi si vous nous écoutez, oui. Voilà, on sent que les gens... Alors il faut préciser pour aux auditeurs que Ahsoka Tano est en fait la padawan d'Anakin Skywalker. Alors si vous avez vu l'épisode 3, vous dites mais il a jamais eu de padawan. Et bien si, il a eu une padawan qui est devenue hyper importante, qui est entre l'épisode 2 et 3, elle apparaît entre le 2 et 3, et qui en fait a développé dans Clone Wars une personnalité, une voix, et qui en fait une voix qui analyse aussi le système Jedi de l'intérieur dans ses imperfections. Mmh. Et sans vous en dévoiler plus, elle est devenue la Jedi quelque part qu'on apprécie, et elle est, voilà, elle est réapparue dans le Mandalorian dernièrement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Dave Filoni, donc qui s'occupe de Clone Wars et de Rebels, a traité l'histoire de Mandalore avec les coups d'État qu'il pouvait avoir sur cette planète. Et il y a notamment le personnage de Pre Vizsla, qui est un Mandalorien, qui est doublé dans la version originale par un réalisateur nommé Jon Favreau. Et dans cet épisode, on voit donc Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man et également de la série du Mandalorian, et qui partage l'écran avec Bo-Katan, et tout un tas de personnages qu'on revoit désormais dans le Mandalorian. Et donc en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que finalement Dave Filoni et Jon Favreau ont pas fait un hold-up de l'univers Star Wars en profitant du coup de mou qui était arrivé sur le grand écran? Phobos. Est-ce que c'est vraiment un hold-up, sachant que c'est Filoni lui-même qui avait déjà développé ses propres idées? En fait, on sait que c'est quelqu'un qui est très amoureux de ses personnages, voilà, qui aime vraiment les développer de saison en saison. Et donc, c'était un peu qu'une question de temps avant qu'ils se disent hey, écoutez, j'ai déjà des persos qui sont développés, on sait à quoi ils ressemblent, on connaît leur histoire, c'est tout bénef, on peut les mettre assez facilement dans des scénarios. Et en plus, pour les fans qui avaient suivi vraiment ces séries animées, ça leur fera plaisir, ça générera de la presse aussi autour de tout ça. Donc, je pense que c'était un peu qu'une question de temps, on va dire, avant qu'on voit arriver ces personnages sur grand écran. Et voilà, on a mentionné notamment Ahsoka Tano, qui est un personnage, voilà, à des moments donnés, on ne savait pas s'il était encore en vie ou pas. C'est un personnage qui a généré beaucoup, beaucoup de discussions dans le fandom. Donc, c'était vraiment, qu'une question de temps avant qu'on la voie dans une série. Et on sait d'ailleurs qu'on va sûrement la revoir encore plus dans... De toute façon, il y a une série à son nom qui est prévue. Donc, voilà, exactement. Donc, on sait qu'elle va jouer un rôle très important. Et on imagine que ce ne sont pas les seuls personnages de Filoni qu'on va voir au fur et à mesure des moult séries Star Wars qui ont été annoncées. Avec aussi un regard beaucoup plus important sur les personnages féminins. Il y a des épisodes entiers où les porteurs de l'action sont des femmes et c'est quelque chose de très organique en fait. Tout à fait, et tu l'as dit, en fait, il y a peu de gens qui savent que Anakin avait une Padawan. C'est un petit peu dommage dans les films Star Wars, en général, les personnages féminins, il y en a un, deux, allez, trois max. Là, dans les séries, effectivement, c'est aussi l'occasion d'avoir beaucoup plus de personnages de base et beaucoup plus de personnages féminins. C'est vrai qu'Filoni a une attention particulière sur ces personnages-là, qu'il apporte une certaine forme de diversité aussi au niveau des origines des personnages. Donc, c'est quelque chose d'hyper intéressant et que j'espère qu'on verra encore plus dans les séries, parce que c'est vrai que The Mandalorian, ça reste assez masculin quand même pour le moment, et là avec des séries vraiment centrées sur des persos féminins, on espère que ça va renverser un petit peu la vapeur. Céline Boutry, comment vous avez reçu cette filiation Clone Wars, Rebels, Le Mandalorian? Alors moi j'ai commencé par Rebels parce que j'avais pas accroché à Clone Wars, et c'est vrai que dans Rebels on voit que Dave Filoni est en train de créer son petit monde à lui, puisque on voit Ahsoka, on voit Bo-Katan, on voit Rex, et je savais que c'était des personnages qui étaient issus de The Clone Wars, et ça m'a donné finalement l'envie de reprendre The Clone Wars. Donc j'ai repris que The Clone Wars il y a pas très longtemps finalement, j'ai fini l'année dernière, et c'est vrai que ça permet d'avoir des séries comme ça. Ça permet d'avoir un développement de personnages vraiment énorme. Ahsoka, elle démarre, c'est vraiment la Padawan qui commence, qui est une adolescente. Et puis, on va jusqu'à The Mandalorian. Et tout ça, nous, on appelle ça chez nous le Filoniverse. C'est finalement toutes les séries de Dave Filoni se répondent les unes les autres avec des personnages qui restent dans toutes les séries avec des évolutions différentes, avec des périodes différentes. Et donc, à chaque fois, finalement, on voit que Ahsoka, après, elle va faire partie de la Résistance pendant un moment dans Rebels. Finalement, maintenant, dans The Mandalorian, on ne sait pas vraiment si elle est encore affiliée à la Résistance ou pas. Et le fait d'avoir une série sur elle, ça va nous permettre aussi de découvrir ce qui lui est arrivé entre-temps, qu'est-ce qu'elle va faire. Puis on a le personnage de Thrawn aussi qui est ramené. Alors, on a juste son nom dans The Mandalorian, et c'est un personnage qui apparaît dans Rebels, physiquement, et c'est un personnage qui vient de l'ancien univers étendu. Parce qu'on a dit qu'ils avaient fait un reboot de l'univers étendu, mais ils ont quand même repris les éléments qu'ils trouvaient les plus intéressants, et ce personnage de méchant charismatique, finalement, on en manque un petit peu dans Star Wars. On n'a pas beaucoup des méchants vraiment stratèges et charismatiques. Et c'est bien d'avoir ramené finalement les bons éléments de l'univers étendu pour les recanoniser. Et Sylvain, justement d'un point de vue juste business, on sait que George Lucas a voulu pendant très longtemps faire une série Star Wars Underworld, mais il n'y avait pas les moyens. On n'était pas encore dans l'ère des plateformes comme c'est le cas aujourd'hui avec Netflix, Disney Plus et tout ça. Et est-ce que finalement et échec, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup d'argent au cinéma, ne va pas être compensé par la plateforme idéale pour un univers étendu comme celui de Star Wars, qui est la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes un épisode du Mandalorian, tu peux voir un personnage apparaître, tu ne sais pas qui c'est, mais au même endroit, sans avoir besoin d'aller acheter mille et un livres, tu peux avoir accès à la série Clone Wars dans laquelle ce même personnage apparaît, et même si ça a été fait 2 ans, le fait que tout soit centralisé sur une plateforme et dans une sorte de microcosme nommé Star Wars, est-ce que c'est pas là, finalement, qu'est la solution pour ce qu'on appelle l'avenir de Star Wars ? Alors, la solution ultime, totale et absolue, je sais pas que c'est, surtout avec la période qu'on traverse, où les cinémas sont fermés, c'est vrai que c'est un immense réservoir où tu vas tout piocher. Disney Plus a eu un énorme succès grâce au lancement de Mandalorian. C'est toujours des produits d'appel. Et effectivement, t'as le catalogue, même si chez nous il est amputé à cause de la loi de la continuité des médias. Ouais, la chronologie des médias. Oui. Voilà, c'est celle-là. Mais pour le fan, oui, tu parles d'Ahsoka, tu sais pas qui c'est, tu l'as vu, mais c'est pas grave. Tu fais deux clics à droite et t'as accès à toutes les séries où elles sont. Et effectivement, on sait qu'il y a combien? Il y a une petite dizaine de séries prévues, là, maintenant. Mmh. Moi, celle qui me branche le plus, c'est Acolyte. Donc, qui suivrait bien longtemps avant l'épisode 1, qui suivrait différents acolytes et différents maîtres pour avancer sur l'histoire. Ah, je crois, un truc typé manga, des trucs plus pour les enfants avec Droid là, et d'autres où ça parle de la série sur Ahsoka. Et c'est vrai que c'est là où le fan va trouver son bonheur. Donc en fait, dans l'épisode 9, ils n'ont pas réussi à démocratiser la force, mais en fait, ils sont en train de démocratiser l'accessibilité à l'univers de Star Wars. Et alors, dernière chose, et après, on devra se quitter malheureusement, il y a le lancement de High Republic, qui en fait se passerait 200 ans avant, c'est ça, hein, c'est ça. Vous me dites si je me trompe, 200 ans avant l'épisode 1. Et dans lequel donc ça serait l'apogée des Jedi, et c'est une sorte de projet cross-média. Il y a des nouveaux comics, des nouveaux livres, on peut imaginer dans le futur aussi peut-être même des séries ou des jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? The Acolyte va se passer sur la fin de la Haute République, hein. C'est confirmé. Ça tombe pile poil. A priori, les premiers retours sur le premier roman là, qui est sorti ont l'air tous très bons. Mmh. C'est Charles Soule, l'auteur. C'est ça. On a plusieurs amis, plusieurs collègues qui les ont et tous adorent. Je vois pas encore de gens qui viennent avec le drapeau. Non, moi j'ai pas aimé. Là, ils ont tous l'air conquis. Alors, je lis pas. C'est Yoda avec des cheveux. C'est ça. ça doit être ça. Bon, je me suis pas encore lancé dedans parce que mon niveau d'anglais étant ce qu'il était, je vais attendre hélas les VF. Mais après, qui devrait sortir incessamment sous peu, je crois. C'est ça. Prévu pour. Je crois que c'est là. Mars. En mars. C'est ça, Pocket. Ouais. Je crois que c'est Pocket et Panini là font un boulot extraordinaire pour fournir ça rapidos. C'est la fin de cette émission. Thibaut, Phobos, Sylvain et Céline, merci. Hein, évidemment, on aurait pu encore en parler pendant des heures, mais il y a des deadlines. On se retrouve bientôt dans Blockbuster pour parler alors d'un sujet totalement différent, mais très intéressant. BTS, Blackpink. Bref, on va parler de ce phénomène musical mondial, la K-pop, parce que vraiment, ça mérite d'être évoqué. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, ou même sur les prochains, ou même sur un ancien, ou même sur votre vie de manière générale, parce qu'on aime parler avec vous. Je répète, 01 56 40 30 20, ou en parler sur la page Facebook de l'émission, ou sur Twitter avec moi, avec le hashtag BlockbusterEFI. May the Force be with you, always. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.